mauvais après sont. Oublie les amis ici. Où l'on tu écrirais les paroles, tu chanteras en même temps. Ah, c'est que une bonne idée. Oui, je sais écrire. Une des cicatrices profondes. Ce sont de Oui, on oui, est sur Metanoia. Metanoia. Il est 16h14 et Bastien nous interprète des chansons, livres. Tu veux l'autre côté du disque là? À l'autre côté du disque. Bah, là, il y a une chanson qui va arriver là. Tu peux la continuer à chanter, Michel Jonas. Interprété par Bastien, qui l'a son... Qui a chanté Michel Jonas. Voilà, et ça se double des clés, il ressemble à Saint-Pierre, qui il y a les clés du ciel. Les clés c'est les clés du ciel, voilà. Il a son clés, et Vincent Black, qui va nous parler de comment gagner de l'argent, et puis comment vivre sans argent, avec l'argent, à travers l'argent, contre l'argent, à côté de l'argent, toutes les formes de vivre et les rapports à l'argent. Voilà, et à Farouk, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Farouk? Farouk, il va improviser un truc, il va nous faire ce super dessin comme d'habitude. Et Jean-François Rossiane, qui vient de revenir depuis une longue, longue étape dehors de la psychiatrie, il s'est guéri. Là, il n'est plus un patient. Maintenant, c'est un artiste comme il a toujours été. Et il va nous faire son astrologie astrale. Et il va nous présenter la radio comme il sait le faire. Et pour ceux qui sont connus, la radio depuis le début. Et puis à 17h, on est en direct. Et là, pour l'instant, on va réécouter un peu de Michel Jonas. C'est tout. À tout à l'heure. L'astrologue, c'est quelqu'un qui va parler à plein de gens et qui arrive à voir des choses que les gens ne voient pas sur les gens, en fait, quoi. C'est ça, l'astrologie, en fait. L'astrologie, ça vient... Déjà, avant, il n'y avait pas l'astronomie. L'astrologie, c'était la même chose. Mais c'était, en fait, voir dans les plus lointains les choses qui sont les plus internes. Ah, d'accord. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont tellement internes que tu ne peux pas les regarder simplement. Il faut les regarder de très loin. Et les étoiles Paracelse, il a inventé ça. Tu vois, il faisait des chirurgies en pleine nuit, et avec, il ouvrait les corps des gens et il disait, il regardait le ciel, il disait ah oui, on va te soigner avec ça, la constellation. Imagine le truc. il faut connaître tout. Prends le micro là, comme ça on t'écoute. Il faut connaître tout. Il y a 20 ans, je savais que la première propriété des Français, ça n'allait plus être l'emploi. Avant, ça a toujours été l'emploi, plus maintenant. Je le savais, moi, il y a 15 ans. Et en fait, c'est pas l'astrologie, c'est qu'en fait, c'est les économistes qui disaient ça parce qu'en fait, il y a un tiers de la population qui va en retraite. Il faut les remplacer. C'est ça, en fait. Bonjour, bienvenue à la radio. Vous pouvez venir. Installez-vous. Et ça, c'est pas de l'astrologie, ouais. C'est les économistes qui l'ont dit. Ouais. Et après, dans 15 ans, ça sera une très grande prospérité, en fait. Oui, peut-être. Parce que maintenant, il y a plein de gens qui ils voient qu'ils trouvent pas de travail, alors ils montent une entreprise, après, ça marche et tout, quoi, après. Hein. Ça marche. On a ici, oui. Vous débrouillez mieux que moi, en fait. Hein, vous débrouillez mieux que moi pour la recherche. Ouais. C'est bien, déjà. Moi, je suis pas un bon exemple, en tout cas. Mais... Bienvenue, mademoiselle. C'est quoi votre prénom? Manon. Ah, c'est Manu, c'est ça. Bienvenue à la radio. Vous pouvez prendre place. On parle de ce qu'on veut ici. On est en train de faire les programmes. On va parler d'astrologie. On va parler de l'argent. On va chanter. Vous voulez parler de quelque chose? Prenez place, hein. Si vous voulez un café, il y a du café. Du feu, je sais pas qu'il y a du feu là. Le temps passé. Tu pars déjà, Vincent? Va, Vincent. Il est parti. N'est pas passé. Inaperçu. Bah tiens, mais vraiment arrêté, hein, ça se voit. Bah ça se dit pas, mais les gens qui vont vers les autres, qui vont parler à tout le monde, et bah eux ils héritent. On a le film L'Adamant au cinéma Malraux. Il va venir toute l'équipe qui a réalisé le film, c'est l'hôpital des jours de Paris, et on va faire un débat. Et en plus il vient les gens de Brésil qui font la samba, qui soignent le patient psychiatrique avec la samba, compositeur de samba. Donc si vous, est-ce que vous pouvez venir? Vous êtes tous invités, hein. Vous donnez une liste, je vous mets sur la liste. Tu viens? C'est mardi prochain à 20h au cinéma Malraux. Il fait très bien, ça va venir. Ça, on fait un débat. Prends le micro. Moi, je savais pas que j'étais un pro. Il y a un médecin, quand j'étais hospitalisé en 2011, ouais. Il a dit le joueur d'échecs. Et après, j'ai continué à m'entraîner et maintenant, je suis passé pro. Mais en fait, je vais jamais jouer aux échecs. Quoi. J'aime pas ce jeu, en fait. Quoi. Pourquoi tu aimes pas? Parce qu'en fait, ça met des idées bizarres dans la tête. Ça met des stratégies, des analyses. J'aime pas. Je jouerai plus jamais aux échecs de toute ma vie. Mais ça aide? Non. Tiens, prends un micro. Tu peux prendre un micro. C'est le 6, toi. Qui ça? Un gars d'échecs, c'est un mec, dès que tu vois un gars qui joue au chef, tu dis celui-là, il est calculateur. Ouais, ça c'est vrai. Et dis-toi bien, avec les gens, c'est des gens très calculateurs. Ouais, moi j'ai vu le stream, mais avec des gens, ils jouent aux échecs, les met à l'échec, tu vois. Dans la vie, les met à l'échec. Donc, son esprit, c'est les mettre, il les met à l'échec. Pour lui, son esprit, c'est ça. Et j'ai joué avec un gars ici et il m'a fait croire qu'il n'était pas pro, que moi j'allais passer pro vite fait, quoi. Et j'ai joué, je suis parti en Inde pendant 5 mois et demi, je me suis entraîné toujours pendant 3 heures, tous les jours, quoi. Après j'ai progressé et quand je suis revenu, j'ai joué, j'ai failli le battre. Et après mon pote qui le connaît, il a dit qu'il était pro, il ment. Il me dit non, j'ai pas pro, j'ai perdu tous les matchs. Il a des problèmes psychologiques, hein. Et en fait, il vide ça, quoi. On est pratiquement à égalité, là. Et là, maintenant, plus jamais de ma vie, je joue aux échecs. Moi, j'ai dit, c'est une décision que j'ai prise. Plus jamais de ma vie. C'est un plaisir. Pourtant, c'est les échecs, c'est un jeu. C'est un dada. C'est comme le rami, la belote. Et même, je vais même arrêter de faire du rap. Je vais arrêter de rapper aussi. Mais pourquoi tu t'arrêtes de tout? Je vais arrêter. Tu te fais du mal, là. Tu te mets à souffrir. Pourquoi? Non, je souffre pas. Hein. C'est à 45 ans. À 45 ans, je veux rapper, je vais dire quoi aujourd'hui? Bah, ça va. À 45 ans, je rappe pas. C'est... Bah, si, pourquoi pas. Tu rappes toute ta vie. Allez, tu es artiste toute ta vie. Hein. Enfin, c'est comme tu veux, tu peux arrêter. Mais... C'est vous qui m'avez dit que les artistes, ils sont mégalos. Vous m'avez dit ça, vous? Oh, je n'ai pas dit ça. Si, vous l'avez dit. Il y a un côté égomaniaque, mais c'est normal parce que l'ego, c'est pour garder l'œuvre, tu vois. Il faut prendre soin des ouvrages, un minimum d'ego pour pouvoir te respecter et que ton ouvrage soit respecté. Après, il y a ego parfumé et ego pourri. Tu vois, l'ego qui sent mauvais parce qu'ils sont trop d'ego. Il y a des gens qui sont un ego parfumé. Mais qui est pourri, je suis automatiquement. À un moment ou à un autre, il en sent de la merde. Oui, ou ça sent bon, ça dépend des artistes. La plupart du temps, c'est ça, les gens. Non. Qu'est-ce que vous pensez, Manon, de l'art? Vous aimez l'art? Prenez un micro, là, 5. Je sais pas. Vous savez pas? Bon, ça va venir. En tout cas, bienvenue à la radio. Ça fait plaisir que vous soyez là. Et je vais chercher les gens en bas et on commence. Hein, il est 16h25. À 17h, on a le direct sur le Pinot. Mais si, on est là sur Internet déjà. Après, c'est les... Et puis, n'hésitez pas à nous appeler. Il y a Jean-François Océane ici. Pour ceux qui veulent lire l'astrologie, voilà, c'est une occasion spéciale. Hein. Voilà. Continue. Moi, je laisse le bordel, les gamelles et tout. Mais c'était le bordel. Alors, je fais rentrer Châtel et tout. Puis, à un moment, je mets la R&B, le truc. Puis, je me tiens comme ça. Puis, je commence à danser, tu vois. Je pars à la R&B. Je fais du classique jazz adapté sur la R&B, terminé. C'était vite fait chez moi. Pour dire que ce que c'est, le show business, c'est de la merde. C'est les poubelles derrière. Tu vois, c'est tout ça que j'ai voulu représenter dans le film. Eux, ils ont compris autre chose. Schizophrène, machin. Ils peuvent raconter n'importe quoi. Ben, moi, je sais ce que j'ai fait dans le film. C'est pour ça que je ne vais pas le voir. Je sais ce que j'ai donné dans le film. Ce que j'ai voulu donner dans le film. Maintenant, on peut y penser ce qu'on veut. Dans le film, on voit que tu es un artiste, que tu es un danseur, quoi. Oui, c'est bien. Mais si. À l'époque, quand j'ai vu le film, je ne le connaissais pas. Hein. Je me suis dit, mais c'est qui cet artiste? En fait, c'est tous des artistes. Même avec, comment ça s'appelle, Johan. Johan qui joue super dans le film, tu vois. Et je sais, il chante, on lui a pas chanté. Et puis après, il est venu à la radio, je ne l'ai pas reconnu. Mais en fait, c'est ça. Hein. Mais Johan, il se la pète pas, il est bien. Ils sont bien. Tiens, il faut changer les disques. Allô. Oui, et puis, attends, j'arrive. Ah, il m'a fait passer pour un schizophrène et tout. Ouais. D'accord. Mais le mec, il range tout. Je dis, non, je ne rangerai pas chez moi. Ça me plaît comme ça. Ouais. Je l'ai fait exprès dans le film. C'est ça qu'ils n'ont pas vu clair. J'ai fait rentrer le chien, je sais, dans les poubelles. Le chien de sa vie, chez moi, c'était la merde. J'en avais rien à foutre. Et tout ce que j'ai fait, alors il y avait des boîtes de concert. J'ai dit, bon, leur faire comprendre que le show business, c'est vraiment la merde. C'est tout ce que j'ai voulu représenter. Mais eux, ils voient ça autrement. Moi, je sais ce que j'ai donné. C'est vrai, pour ce que j'ai fait là-dedans. Je me demande d'abord les pattes que j'ai fait. Je crois que j'ai inventé n'importe quoi. Je l'ai pas vu, ce film. Tu l'as pas? Ça s'appelle Funambule. Et je suis photographe. Sur un film. Caméraman aussi. Oui, c'est caméraman, oui. Tu savais, toi, Jeff? Oui, tu es ingénieur du son aussi. Hein? Tu es ingénieur du son aussi, je suis pareil. Non, je suis pas ingénieur. Qui t'a dit ça? Non, on me l'a dit, c'est tout. Ouais, ingénieur du son aussi. Et réalisateur aussi. Danseur aussi. Tu danses quoi? Comme non. J'ai rien à dire, Zouk, hein. Je danse Zouk. Tiens, allez, vas-y. Punaise! Attends, je te mets au mot. Zouk Machine, allez vas-y. Oh non, j'en sais pas. Ah si. Zouk, House, Punk. Le funk, c'est dur à lancer. Tiens, je vais mettre le premier. Quoi. Tu sais, on écoute. C'est déjà bien. Ah oui, il a fait ce qu'il a pu. Avec Scylla. Dance Soul aussi. T'es un peu tout seul? Ouais. Et tu sais danser les danses indiennes? Non. Bah c'est, alors ça, c'est difficile. C'est compliqué, ouais. Parce que toutes les significations, les doigts et tout ça, ça signifie, quand ils disent les étoiles, tout ça, tu vois, quand les indiennes, c'est bien expliqué. J'ai fait de la danse classique, le maître ballet m'a fait montrer une danseuse qu'il avait formée en classique indienne. Et là, j'ai vu les trucs, les postures, comment. Oh là là, la nana, comment. Puis, comment on dit. Quand il te pointe. Il pointe le ciel, il te. Ça veut dire, il te pointe le. C'est déjà l'étoile. Ouais. Tous les doigts veulent dire. Que... C'est trop beau comme ça. Oui, ça signifie quelque chose. J'ai une peinture. Je suis venue, mais c'est compliqué pour moi. Oui, Niki. Attends, je vais mettre ça. James Hansen, mon premier chorégraphe, mon premier ami. J'étais en voyant le spectacle. En voyant, je faisais un spectacle de voyant. C'est Victor Cho. Victor Cho. C'est mon premier ami. Il est mort du sida à 40 ans. Je l'ai connu. J'avais 22 ans, il est mort dans la quarantaine. C'est dur. Alors lui, c'était le mec pourri à la fin. Au départ, il était bien, puis après, il est devenu complètement pourri. C'est ça le problème dans le métier. On te pourrit la vie. C'est pour ça que moi, j'ai pas envie de terminer comme ça et j'ai pas envie de mourir comme ça. C'est tout. C'est la nature est tellement bien faite. Quand tu vois la nature, les plantes, comme tu vois, moi j'aime bien la nature, tu me parles d'une fleur, tu vois, parfois je me balade dans. C'est ça, moi. J'ai vécu de la campagne aussi, je connais les bêtes, je faire une vache, faire une bique, bon bah tout ça, moi, c'est un truc, la nature, moi c'est important. Si tu m'enlèves ça, je meurs. Si tu me mets des bâtiments autour de moi, tu crées, tu me fais crever. Ma nature est de vivre avec des plantes, des trucs qui, à l'œil, ça fait vivre. Tu vois une plante, ah, puis là, ça fait vivre. On a besoin de ça pour respirer. Pour on a besoin de ça. Ouais. Ils ont l'excellent, justement. Ah, tu peux en s'il te plaît, merci. Bonjour, belle plante. Tu viens pas m'embrasser? Ma chérie. Bonjour, ça va? Hey, hey, comment ça va la mafia? Elle m'appelle la mafia. Ça c'est ma préférée. Hein. Elle est sympa. Je cherche un truc et je ne le trouve pas. Oh là là, merde. C'est quoi? Attends, je vais trouver. Ça, je trouve. Oh, c'est pas ça. Il y a une cassette là? Attends, j'ai trouvé Jane Manson quand même. Elle est bien Jane Manson. T'aimes pas? Si, je m'avais écouté. C'est Victor Xu qui danse ça. Fais-moi danser. Ouais. C'est lui qui a fait la chorégraphie et tout. Il met de la mise en scène d'elle. Il était mal vu dans le métier. Il faut dire que quand on montait des spectacles, tu vois, un jour il a monté un spectacle pour les blacks, Victor, et le public. Les mecs, ils venaient en string, tu vois, posé et tout. Et puis, tu vois, il y avait de l'alcool, et puis le public, il jetait les comment dire, les conflits dans le public. C'était un truc horrible. Ils ont les publics en français. C'était fait exprès. Le public en français, plein la gueule. Mais c'est le style de Victor. C'était le style de Victor Show. Il était mal vu. Mais vraiment, les gens recevaient du gâteau sur la gueule. Oui, c'était que chier sur le public. Ça, Victor. Moi j'aime bien ce style parce que vraiment moi je rigolais. Ouais. Mais genre ils étaient bien habillés, ils se mettaient bien habillés. Du gâteau, du café, du Victor. Madame, vous avez maintenant, c'est bien, tu vas nous donner la recette pour maigrir, pour l'éternelle jeunesse. C'est pas compliqué. Voilà, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Ah, voilà, nous participons de la radio. Eh oui, on est là. Tout le monde est là. Alors, asseyez-vous, prenez place. Par contre, il faut laisser le micro comme ça, sinon ça fait de l'arsène. Oui, oh, oh. Bon. On est Radio Métallier, hein. On est sur Pinot. Et on commence, et on va présenter tout le monde. Il y a Christiana qui vient d'arriver. Christiana, tu veux nous dire un... Assieds-toi déjà, et on va donner un micro à Christiana. Je comprends ce portable. Je comprends pas le portable. Je cherche. Bonjour. Bonjour. C'est pas animé. Animé, c'est ça. Pour YouTube. Et YouTube, c'est ça. Je vois, mais. Habituellement, j'ai appelé France 2. France 2 Télévision. C'est appelé qu'on peut pas faire. Ah, j'ai appelé pour passer dans une émission. Ouais, c'est pour ça. Laquelle Papotin? Non, pas Papotin. Papotin, c'est sur quelle chaîne? Sur la 2. Non, c'est sur la chaîne. C'est le chat du corps. Papotin, bon, je vais... Ah, pas Papotin. C'est des amis, hein, Papotin, là. Julien Bansilon. Bah, peut-être je vais les rappeler bientôt, là. Tu veux passer à la télé? Oui, J'aime pas passer à la télé, passer dans le public. Passer dans le chaîne publique, devenir célèbre. Oui. C'est un beau projet. Là. On va parler de ça aujourd'hui, de la célébrité, de l'argent. C'est un bon sujet. ce truc. Vas-y, tu penses. J'ai le problème de célébrité, mais je sais pas qu'est-ce que c'est quoi comme problème qu'on a quand on est célèbre. J'ai des pistes. Un jour, un ami à moi m'a dit. J'ai dit, ouais, il m'arrive ça. Et en fait, il m'a dit, ça, c'est la célébrité, il m'a dit. Mais mon père, il m'a jamais expliqué, j'avais jamais su c'était quoi être célèbre, en fait, quoi. Et en fait, je suis pas vraiment célèbre, parce que quand je vais partout, les gens, ils me diseraient, ils veulent me parler. Je suis pas vraiment célèbre, mais en fait, il y a des problèmes qu'ils ont, les gens célèbres, en fait, quoi. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi, en fait. Mais les problèmes, quand t'es célèbre, c'est que les gens, ils te demandent une photo. Ouais, je veux une photo de toi, un autographe. C'est ça qu'ils te demandent. Quand t'es célèbre, t'es obligé de te cacher pour pas que les gens te demandent toujours un autographe, parce que t'en, y en a et t'en as marre de signer des autographes. Ouais. Et vous pensez quoi les autres? Vous pensez quoi les autres sur la célébrité? Donnez un micro, Vincent, tu peux donner un micro à tout le monde. Moi, c'est pas à côté de cette occasion, Nours. Depuis, pour l'installation. On est sur quelle station exactement? On est sur pinot.org et sur les DAB. En fait, c'est la FM digitale qui passe. Okay. Et c'est sur Internet. Ok. Je sais pas les pensées. Je pensais trop, c'est pas les pensées. Tu veux mettre un son? Et tu n'as pas un câble? Je pense à mon frère. Allez-y, ça y est. Qu'est-ce qu'il a, votre frère? C'est un chanteur. Et c'est un chanteur célèbre, votre frère? Non, c'est un... Prenez le micro, parce que comme ça, on vous écoute. Je sais. Prenez un autre micro, là, il y a un micro pour chacun. Vous avez un micro pour chacun. Voilà, vous pouvez parler quand vous voulez, vous les tenez à la main et vous parlez quand vous voulez. Hein. Ok, donc pourquoi vous pensez à votre frère? Je n'ai pas compris, votre frère il est... Prenez le micro, s'il vous plaît, parce que comme ça, vous écoute. Mon frère est à Antibes. Aux Antibes. Oh, faut que tu le branches mieux. Encore, oui. Aux Antibes. Oui. C'est ça que ça me fait penser. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'il a aux Antibes? Il est en vacances? Il habite à Antibes. Et il va peut-être venir me voir. Ah oui. Bon, et comment il s'appelle votre frère? Sylvain Ota. Sylvain, est-ce que tu veux bien venir? Si tu nous écoutes à la radio, viens voir ta sœur qui est là, qui il paraît qu'il t'est, tu lui manques. Enfin, donc voilà, donc viens, écoute-nous. Je sais pas si tu peux nous écouter. Vous pour aller là-bas? Oui. Tout à fait, il faut prendre le TGV ou le train ou la voiture, mais enfin il y a plusieurs choix, il y a le TGV plutôt. Et t'es dit aller en TGV? Oui. Ouais, ça me fait penser à ça. Je sais pas ce que... La célébrité, c'est... Regardez sur un dictionnaire le mot célèbre. Dans les célébrités, regardez sur un dictionnaire le mot célèbre. On va pas regarder sur un dictionnaire, les clés. Ah merde, je sais pas lire sur un dictionnaire. En fait, tu commences à me chercher aujourd'hui. Ah non, il y a rien de mal, j'ai rien dit de mal. Ah non, j'ai dit que... La célébrité, c'est... La seule règle, c'est que vous trouvez un micro, n'importe lequel, il y en a trois. Oui, mais j'ai pas... N'importe lequel, monsieur, allez-y. Alors, moi, j'aimerais... Oui. Qu'on écoute un titre de 1995 qui s'appelle Alizé. C'est Alizé, plus la chanteuse. Voilà. Elle est très connue. La célébrité, c'est beaucoup de choses. Hein. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le restaurant, comme un acteur, comme un chanteur. Oui. C'est pas obligé que c'est que des chanteurs. Oui. Voilà. On va... Un avocat, un juge, etc. Ah, mais ça! Un médecin, tu opères des femmes. Tu opères des femmes, tu opères des célébrités. Opère qui ça? Des célébrités. Et c'est quoi? Un médecin, tu opères des célébrités. Comment il s'appelle lui? Ben, je sais pas, moi. C'est un médecin, je sais pas. Il opère des célébrités, mais moi je connais pas c'est qui. Ah, d'accord. Tu l'inventes, ça. Oui, c'est inventé. Non, parce qu'il y a comme ça. Avant, il y avait... tu sais, il y avait à Rio de Janeiro, justement, parce que mardi prochain, on a lieu... Tu viens en film, là, on présente des films à... Mardi, à quelle heure? Mardi à 20h au cinéma Malraux. Mais là, on est quel jour? On est lundi. Pour le micro. On est mercredi aujourd'hui. On est mercredi aujourd'hui? Oui, on est mercredi, ouais, ouais. Et... garde le micro à la main, comme ça on peut... Ouais, comme ça on peut tous parler. Et voilà, c'est à 20h, le cinéma Malraux. Il y a l'équipe de films L'Adamant, qui s'était fait sur un hôpital des jours à Paris. Il y a aussi les groupes dont je vous ai parlé, qui soignent le malade psychiatrique avec la samba. Et donc, on a envie d'y aller l'année prochaine, parce qu'il faut le carnaval et tout ça, en fait. Tous les anciens patients hospitalisés, maintenant, c'est des compositeurs de samba. Et ils gagnent même des droits d'auteur, tu vois, et donc c'est... J'ai envie qu'on y aille comme radio l'année prochaine à participer avec eux là-bas à Rio. Donc voilà, voilà, voilà. Et donc les mardis à 20h, il y aura le débat avec eux. Donc vous êtes tous bienvenus. Et quelle chanson vous disiez? Ça s'appelle Alizé. Alizé, ah, chanteuse. Oui, je connais son nom, mais. Elle est très bien. Elle chante quoi? Laquelle? Laquelle d'Alizé? Moi, Lolita. Lolita, oui. Okay, ah, je m'appelle Lolita. Sinon, oui. Je vais le mettre sur mon téléphone. Attends. À quoi que ça devrait. Oui, elle est à côté, cette fille. Elle est reconnue. Elle est percée par ça. Ouais. Tu mets quoi là? C'est la pub? Bah, je sais pas. C'est parti. Ok, on est sur Pinode. On va voir si on peut connecter le. Tu peux voir. Attends, je vais Lolita déjà. Voir que, parce qu'on est dans 10 minutes, on est en direct. Moi, je ne sais pas faire de mon truc. Tu mets. Voilà. Alizé. Oui. Et c'est Lolita, le titre. Attends, est-ce que ça peut marcher là? Tu l'as trouvé? Ah, ok. Voilà. Elle est parfaite. Une petite scène parfaite. Lolita. C'est ça? Lolita, c'est une fille, tu ressembles à une grande. Tu veux chanter, hein? Attends, elle veut chanter. Ah, c'est bien de chanter. Elle vraiment pas beauté comme une fille. La radio. Merci d'accompagner notre. Votre prénom, c'est. Ok, asseyez-vous là, il y a la place. Mettez-vous autour de la table. Vous aussi, votre prénom, c'est. Installez-vous autour de la table tous les deux. Hein. Dans la place. Et prenez un micro, on est à 10 minutes pour commencer la radio en direct. Et puis Jean-François, il va nous présenter aujourd'hui la radio qu'on fait en direct. Comment tu le faisais auparavant? Ouais, Metanoia, tu partais en live. En live. Oh, tu as arrêté le truc. C'est pas grave, on va la mettre ici, regarde. Parce que la mettre est là. On peut la mettre là. C'est ça. Jason, hey, comment tu vas? Bien, Jason. Ah, oui, t'as fait pour ça. Jason. Ça va, Jason? Bienvenue. Hein. Tu viens direct de le stade de Real Madrid, Manchester City? Tiens, viens, installe-toi là. Ou là, où tu veux. Ouais. Oui, parce que Jason, c'est notre co-responsable de la radio... qui voit tous les matchs, il a couvert la Coupe du Monde. Il y a un partout. Attends, prends le micro. Allez, parle au micro, mon cher ami. Un petit contre qui? Jason. Real Madrid. Ouais. Je vous accrocher, t'as de bonnes joues. Un partout. Allez, parle au micro, parle au micro. Aujourd'hui, c'est Real Madrid, Inter de Milan, Milan AC. Elle va bien, Jason, non? Léon, t'as grossi. Hein. Mm. Il est bien, non, je le vois depuis deux. Je ne l'ai pas vu depuis 4 mois. Ça, c'est les cachets, non? Même pas, moi, je les prends, j'ai maigri, non? Prends le micro. Si moi, je prends un cachet, j'ai maigri, non? Ouais, j'ai maigri ou pas? Est-ce que tu peux nous donner le secret de la. Attends, tu vas le dire dans 10 minutes, on est direct. Et Jean-François va présenter l'émission. Après, Vincent va nous parler sur les secrets de l'éternelle jeunesse, parce que lui, il est allé en Inde, il est revenu avec il a découvert comment rajeunir avec l'âge, et aussi, à pas avoir des problèmes d'argent, et aussi de maigrir. Voilà. Moi, je voudrais savoir pourquoi la techno a disparu depuis. Ça existe toujours. Il y a des depuis 2001. Jason, tu penses quoi de ça? La techno a disparu, c'est non le fond, discours, prenez un micro, là, parce que sinon... Il faut prenez un micro, parler. Monsieur. Normalement, j'avais rendez-vous, mais... T'avais rendez-vous ici. Je pense que depuis 2001, ils ont inventé deux styles de musique que la techno et qui ressemblent. C'est le funk et le disco, ils ont disparu, c'est ce qu'elle dit. Non, la techno existe toujours. Il y a des soirées de techno, puisque je connais déjà... Le funk et le disco. Il y a des soirées, comme des soirées de disco, comme des soirées de techno. Ils sont entre eux. Ça se passe plus, ou c'est dans des pubs, ou je sais pas. Mais il y a des soirées, puisque je connais des amis qui font des soirées techno. J'y vais pas, c'est pas mon truc, mais des soirées vraiment techno. D'accord. Ça existe. Comme il y a des soirées disco. Oui, il y a des soirées disco, ça s'organise. Hein. Ça s'organise, tu peux organiser une soirée disco. Hein. Comment ça disparaît, disco? Micro, mais c'est pas ça. Ça va revenir. C'est le truc. Le funk et le disco. T'as disparu le funk et le disco? Les années 80, c'est fini. Oh, c'est pas grave. Vive 2023, le chiffre du fou. Ah oui, ça va revenir. Non, ça va revenir. Le disco reviendra. C'est les bases. Donc ça reviendra toujours. Ne vous inquiétez pas. Il y a aussi le funk qui... Le funk... Oui, le funk qui... Il y a les Jeux Olympiques d'Europe. Et puis après, il y a... Avant, il y a le jazz, il y a tout ça. Il y a tout... Le jazz... C'est ça toujours. C'est les bases. Le jazz, ça existe toujours. Le jazz, c'est là où ils ont pris beaucoup les instruments du jazz. Oui. Ouais. Pour faire le funk, faire le disco, etc. Tous les danses existent. Le jazz, tous les danses. Mais tous les danses existent. Tu peux danser toutes sortes de danses. Moi, tout à l'heure, j'ai appelé ma radio préférée, Radio Latina. Oh, j'étais trop bien, j'étais trop contente. T'as appelé? Oui. Alors, racontez-nous ça. Alors, j'ai appelé la radio Latina. Alors, j'aurais dit que j'écoutais leur radio. Et une dame, elle m'était très sympa. Elle était très, très, très sympa. Et j'ai dit que j'écoutais la radio Latina. Et je lui ai demandé si je pouvais venir à la radio. Mais elle m'a dit non. Et après, j'ai appelé la radio Tropic FM, ma radio aussi préférée. Bon, je ne pouvais pas venir. Elle m'a dit qu'on vient que pour les cadeaux. Voilà. Tropic FM ? Oui. Ça connaît Fabien ? Ben, ça a commencé à connaître Fabien, Tropic FM. Oui, parce que c'était en 84 quand on a monté ça, je me rappelle. Moi, j'ai appelé un commissariat hier, leur disant comme quoi que j'ai été interpellé par erreur. Et ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais fait d'erreur. Et aujourd'hui, nous voilà tous autour d'une table à l'hôpital psychiatrique et nous exprimons. Et ça me fait du bien de savoir que notre voix peut être entendue en dehors que l'hôpital. Vous êtes interné, monsieur? Vous êtes interné? Actuellement, oui, je suis interné. Oui. Mais je vous connais. Mais c'est la première fois que vous êtes interné? Non, c'est pas la première fois. Effectivement, je vous connais. Je vous ai déjà vu. Oui, je sais, vous êtes marié, vous avez une fille. Mais c'est pas grave d'être interné. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas grave d'être interné, mais quand on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas habituelles, des jours, de tous les jours, il y a des choses qui ne sont pas habituelles. Donc du coup, on se demande des fois qu'est-ce qu'on fait ici, quoi. Vous voyez des choses pas habituelles. Moi aussi, je vois des choses pas habituelles dans ma tête, mais dans mon cœur. Bon, c'est déjà des bonnes similitudes. Ouais. Qu'est-ce que tu vois, Christiana, dans ton cœur? Ben, j'ai vu quand je vois que les gens, quand les gens ils vont pas bien, je le ressens. Alors, ben, j'étais pas bien. Parce que sensible. quelque temps là. Oui. Mais on a tous comme ça sensibilité spéciale. Hein, mais... une sensibilité plus ou moins. Et eh ben moi maintenant je commence à être heureux. Là je commence à être heureux, à me sentir bien quoi. Ouais. C'est vrai. Hein. Alors, Jean-François, il fait les programmes, donc on va. C'est la base astral numérologique. Voilà. Astral numérologique, c'est bien que tu commences à aller bien, Vincent. Et oui, vous pouvez parler aussi, ma... oui, oui. Comment est votre prénom? Prenez le micro. Ce monsieur là. Votre prénom c'est? Mon prénom c'est Philly. Philly. Philly. Philly Winter. Oh, ça vient de quel pays, Philly? Philly, c'est grec, non? Philly. Bon. Philly, ça vient d'où? Quel... Ça vient du Mali. Ah, du Mali. Ah, vous êtes malienne? Oui. Oh, merci. Cool. Enchanté. Bienvenue. C'est pour ça qu'elle est aussi jolie. Mais oui, vous êtes très belle. C'est vrai qu'elle est jolie. C'est vrai qu'elle est très jolie. Oui. On commence la voyance astrale. Oh, attends, mais pas encore, à 5 heures. À 5 heures, tu commences. Oui, oui. Et puis, il faut te mettre un peu la musique. Je vais te mettre un peu à terre. Rappelle que tu mettais un peu l'ambiance musicale. Non, mais attends. On est à 5 minutes du live. On va quand même le faire en live. Pour ces 5 minutes de live, j'ai profité de Philly pour pouvoir venir prendre le micro. Car vu que je viens d'être interné, j'ai pas le droit du tout de monter en haut. Et grâce à Philly, on est là autour d'une table et nous pouvons nous exprimer. Et je trouve ça très magnifique. Oui, mais c'est ça, on est tous les mêmes. C'est thérapeutique. Et il y a notre ami de Pinot qui nous aide. Il y a Nico, bonjour Nico, merci pour nous donner, qui nous aide là. Ils sont de l'autre côté de la radio, qui écoutent ce qu'ils font. Ils nous disent, voilà, les niveaux sont bien, les micros sont bien. On est là nombreux. On a Jean-François qui nous avait quitté depuis un an, et puis là, il est revenu. Ça fait 4 mois que je ne suis pas revenu, que tu me racontes. On t'a interné pour ton bien, parce que peut-être tu n'allais pas bien dans... j'avais pas envie de venir. Tu n'allais pas bien. C'est pour ça qu'on t'a interné, après tu vas sortir, t'inquiète pas. Mais je crois que quand tu es implanté en plein... Selon ce qu'on m'a dit, oui, oui et non. Il y a peut-être une part de vérité dans ce que tu dis, mais je pense que le boulot de la police n'a pas été effectué pleinement, car si le boulot l'aurait été effectué, je n'aurais pas été ici. C'est ça que parce qu'on me reproche des choses, ou bien on me reproche des propos délirants, lorsque c'est la réalité de la vie, c'est mon quotidien, c'est ma vie de tous les jours. Bah, là, à la radio, vous pouvez nous dire vos propos sans problème. Vous exprimer, c'est pour ça. Vous allez vous exprimer. Tu peux noter le programme, François? Tu mets lui. Allô? Oui. Tu veux noter le programme ou pas? Non, on le fait avec. Le programme de quoi? Oui. Parce que c'était. Qu'on l'appelle tout Laura. Laura. Allez. Bon, on l'appelle Laura parce qu'elle ressemble à Laura Fabien. On verrait que c'est une psychologue. Voilà. Je peux donner aussi un exemple pour lequel le policier dit que j'ai des propos délirants. Si aujourd'hui je lui dis que je suis égérie d'une marque comme Louis Vuitton, on n'est pas pris au sérieux, on ne nous prend pas en considération. Et voilà pour la raison pour laquelle je me retrouve ici. Parce que j'ai vendu. Oui, mais on va. Ici à la radio, vous avez la possibilité de vous exprimer sans qu'on vous qualifie de délirant, de tout. Donc on va entendre vos propos. C'est pour la raison laquelle que je m'exprime et je tenais à faire savoir que des fois, bon, il peut y avoir des innocents. De secteur 14 en bas. Je suis en bas. Je suis dans le secteur 14, il y a plus d'innocents que de. Oui, il y en a beaucoup. C'est qui s'en prennent plein la gueule. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui sont malades, ils sont quand même. Vendredi. Vendredi dernier. Ouais, exactement. Ça se passe en bas, on mange bien. Oui, on est plutôt bien nourri. Ça dépend des jours. Tout dépend des jours, mais pour le moment, ça se passe agréablement bien. On a des petites douceurs comme des frites. De l'agneau, tout ce qui est doux, donc on y va en douceur. Et vous n'êtes pas fait agresser là-bas? Bon, j'ai pas eu. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer d'agresseurs. On dit qu'au secteur 14, c'est calme. Mais j'ai pas eu le temps de rencontrer d'agresseurs, mais je vois qu'il y a beaucoup d'excitation. On n'a pas le droit d'agression, bah. On n'a pas le droit d'agression, mais je pense qu'il y a 5 minutes défendre. Avant que je monte, on en a suivi une. Elle était verbale et, au secteur 14 et je l'ai trouvé très agressif. Faut pas les calculer. Ne pas les calculer, c'est un grand mot. Lorsque nous sommes sur même pas 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, donc tout s'entend, tout se voit. Moi, en tout, j'ai fait 10 hospitalisations, moi. 10 en tout. Non, 9, depuis 2000... On a ajouté toi, Farah, du cousin. Ma première hospitalisation, c'était en 96, ma première hospitalisation. C'est compliqué, Jean-François. Et en fait, j'y allais parler à tout le monde et je ne savais pas qu'en fait, il y a des détenus, en fait, dans... Moi, je ne savais pas, moi. Et j'ai su ça 15 ans après, quoi. Et à chaque fois, je rentrais chez moi normal, quoi. Et voilà, après, j'étais à Melun et tout aussi, un peu, trois fois, parce que j'étais mal entouré et en fait... Là maintenant ça va là, en fait je pense que je vais être hospitalisé dans 6 mois, 1 an et après je vais guérir, je pense. C'est ce qu'ils m'ont fait comprendre les psychiatres ici, quoi. Et donc voilà, quoi. Mais quand on est hospitalisé, c'est dur, hein, parce qu'en fait ça veut dire qu'on est en crise. Et la crise, ça veut dire qu'on reste pas debout, c'est dur, quoi. C'est comme t'as des médicaments, t'as pas le choix, t'es cassé. T'es complètement cassé. Non, mais quand t'es malade, faut bien les prendre, les médicaments, c'est important. Maintenant, je les prends bien, quoi. Actuellement, j'ai un remède. Actuellement, j'ai un remède autour de la table. Le médicament, c'est un parfum. Et c'est un parfum de Jean-Paul Gaultier qui s'appelle Scandale. C'est actuellement ce que je suis en train de vivre. Je trouve ça scandaleux. On est déjà en direct sur Radio Métanoïa. Tu peux présenter l'émission, là, Jean-François ? Allô, oui, bonjour. Ici la radio Métanoïa de Monsieur Pedro Serra, la régie Pedro Serra, avec Monsieur Martin Baquero, ingénieur du son et animateur, avec Madame Laura Fabien. Je l'appelle Laura Fabien parce que c'est un petit air de Laura Fabien, la chanteuse, qui c'est une technicienne de la radio. Elle fait tous les montages, tout ça, toute la technique. Avec animatrice Christiana, avec les invitations de monsieur. Prenez le micro pour dire bonjour. Monsieur Benay, invitation avec sa fille, c'est ça ? Invitation. Avec sa fille ? C'est sa fille ? J'ai pas de fille. Non, c'est qui ? C'est votre. Ah, c'est une patiente. Ah, je croyais qu'ils étaient ensemble. Excusez-moi. Une patiente, ils ne connaissent pas. Excusez-moi, je croyais que c'était un mien. Vos prénoms Vous pouvez dire bonjour. Non, mais je croyais que c'était une patiente. Oui, mais on est tous à la radio. En dehors. Vous venez d'en dehors, vous n'êtes pas patient. On est plus des patients ici. On est impatients. Toi, tu es un bon patient. Tu vas patienter aussi. Je n'ai pas de fille. Quelle nationalité êtes-vous ? Quand je suis arrivé sur Terre, je suis tombé de là-haut. Oui. Et aussitôt tombé de là-haut, je suis tombé à côté d'une personne, un personnage qui ne sait pas les parler, parce que s'il les parlait, il n'aurait jamais dit ça. On ne dit pas, on sait parler. Il m'a dit, il n'y a pas de femme là-haut, sinon on aurait été les premiers. Je lui dis, je viens de là-haut, comme tout le monde, je crois, vient de là-haut. Les bactéries se formaient, sont venues de là-haut. Ouais. Pas vous. Il y a qui là-haut ? Je sais pas, moi. Et j'étais tout seul, je suis venu tout seul. Ah, t'es venu tout seul de là-haut ? Pas tout seul. Par le Saint-Esprit. Voilà, tout seul. T'es pas venu du ventre de ta mère, alors ? Non, j'ai pas de maman. J'ai pas de papa, j'ai pas de soeur, j'ai pas de frère, j'ai rien. T'es orphelin. Voilà, c'est ça, exactement. Orphelin sans l'être. Même si je les ai effacés de mon cerveau il y a des années. Et je voudrais, passer un message en même temps. Je m'excuse au cas où j'ai enfoncé quelques personnes en m'exprimant. Et c'est la seule manière dans laquelle je peux faire ressentir mon mal-être. Et... Je ne suis pas du genre à cacher ma vie, quoi, en fait. Parce que plus je la cache et plus je me retrouve dans des situations mais vraiment inconfortables, mais vraiment des situations vraiment bizarroïdes. Donc c'est pour la raison laquelle qu'aujourd'hui je m'exprime. Et je sais très bien m'exprimer. Merci bien. Bravo. Ta Bon. Oui, continue la présentation de tour de table, c'est bien, Jean-François. Oui, ce que je disais, l'être sans l'être, c'est parce que être quand on est face à des rapaces et des vautours, oui. Des jaloux, oui. Pas besoin d'y aller au-delà de la maison, déjà au sein de la maison. vous êtes disputé avec vos parents, vous ne voulez plus savoir d'eux, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, moi j'habite tout seul. Ah, au départ, j'habitais tout seul. Elle est bien. Il a jamais eu de parents, oui, il a dit qu'il est orphelin. À cabane au Canada. Il était orphelin sans lettres. Orphelin sans lettres, ça veut dire. Oui, j'aime bien tout seul, parce que c'est mieux. Si on est face à des vautours déjà au sein de la maison de la famille, ben c'est pas la peine. Dans ce cas-là, c'est mieux d'être tout seul. Hein. Et puis, de toute façon, comme j'ai toujours dit, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Voilà. Je suis toujours mal accompagné. Voilà. Je suis toujours mal accompagné, voilà. Vous êtes marié? Non. Ah, ouais, ouais. Et vous êtes marié? Non, je suis pas marié, moi. Non, mais on a le droit, c'est la liberté aussi, hein, ça. Bon, on continue. En tout cas, merci de partager avec nous votre expérience, parce qu'on apprend ici à chacun à sa manière de vivre, et puis libre de choisir à qui on parle ou pas, même si c'est nos parents, etc. Voilà. Mais on continue le tour des tables, Jean-François, c'est super ce que tu présentes tout le monde. Bon, alors on continue. Ah, voilà, le médecin. Bonjour, le psychiatre, monsieur. Monsieur Bétard, voilà. Psychiatre du secteur 14. Il ramène des médicaments pour tous. Non. Il donne des médicaments. Et là, il nous ramène du Xanax. Du Xanax, ouais. C'est des démarches administratives, c'est des signatures. Hein. Ça concerne quoi? Farouk, tu vas parler de quoi aujourd'hui? Il est où le Xanax? Xanax, Xanax. Et on a aussi Jason qui vient, qui c'est notre co-responsable sportif. Et est-ce que tu peux nous dire un peu un mot de ce que tu as vécu hier à Madrid hier? Raconte-nous un peu l'ambiance. J'étais pas à Madrid, j'étais chez moi. Allez, non. Le premier but à la, je sais pas combien, à la, vers une vingtaine de minutes, but de Vinicius Junior. Et un quart d'heure plus tard, avant la mi-temps, but de Kevin De Bruyne. Un partout. Si. Score final, un partout au match aller. Demi-finale aller. Un partout. Rendez-vous dans 8 jours. Dans 8 jours, ok. Tu vas nous rapporter le prochain match aussi. Hein? Et tu as déjà ton titre de journaliste pour les Jeux Olympiques? Non, j'ai pas. On va te envoyer une lettre d'épinote là, et Radio Métanoïa, pour que tu vois le correspondant. Il y a Roland Garros aussi le 28 mai. Ah, tu vas quand? Tu vas en vrai? Non, à la télé. Non, mais on va te faire que tu ailles en vrai. Hein. On va te donner un micro, un magnétophone, et tu vas nous faire des vrais reportages, de plus en plus. Non? Quel autre match tu as vu récemment là? J'ai vu des... Pas des matchs. J'ai vu des matchs de l'Atlético de Madrid contre Mallorca. Raconte-nous un peu le match. Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as ressenti? L'ambiance du public. Un doublé de Griezmann et un but de Alvaro Morata. Et premier but marqué par Mallorca. C'est bien très tôt. Ça. Voilà. Merci. Ouais. Super que tu nous rapportes ça de la radio. Alors comment ça va? Après, la vie? Après j'ai vu des mangas, l'histoire de Goku, nouvelle transformation. Il a été possédé par la fourrière, par une fée. Ah, tu regardes des mangas aussi, c'est bien ça. Ouais, j'écoute. Tu écoutes des mangas? Il a encore évolué en Super Saiyan. Super Saiyan 5, par exemple. T'écoutes ça sur quoi? Sur YouTube. Ça s'appelle... attends, je vais chercher. Il a tout signé, il a rien. Oui, tu peux écouter aussi le manga, c'est superbe ça. Mais c'est comme ça, l'hôpital. Il Ils vont signer. Bon, ils... et aujourd'hui, on a. C'est les formalités, ils signent et terminent. On a... Ils rentrent et terminent, ils sortira. On a fini sortira. Le tour de table, Jean-François, ou pas? Sur YAS, FR, Goku. YA2S, FR, Goku. Ok. Donc, est-ce que. Tu as plein de quoi? Il y a plein d'histoires sur Goku. Ah. Son Goku, c'est un vieux dessin animé, ça. C'est un vieux manga. Hein. Mais c'est de Dragon Ball Super 2, en fait. C'est de Dragon Ball Super 2 qui n'est pas encore passé à la télé. Ah, c'est pas encore passé à la télé. Mais on voit sur YouTube des extraits de ce qui va, se passer. De ce qui va se passer pour Goku. Pour Goku et Vegeta. Manon qui voulait un peu techno, j'ai mis un peu de down tempo ambient acid techno mix, c'est un ami qui a fait là. Il y a plein d'histoires sur Goku sur la suite de Dragon Ball Super 2, qui est pas encore passé à la télé mais qui est il y a des extraits sur YouTube. Et ça va passer quand à la télé? Je sais pas, normalement c'est prévu pour 2023-2022. 2024 peut-être 2023. Et ça va passer sur quelle chaîne? Je sais pas. Peut-être sur Toonami ou sur une autre chaîne, mais j'ai pas la chaîne sur la télé. On a perdu un peu le fil conducteur. Jean-François, tu as fini le tour de table là? Allô. Hein, tu as présenté tout le monde là? Oui, j'ai présenté. Monsieur, bon. C'est monsieur. Ibombo. Prenez le micro, c'est à lui. Moi, c'est monsieur Fosso Gauthier Ibombo. Voilà. Enchanté. Qui est par erreur. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? C'est quoi les propos de l'Iran? On est de retour là, on a eu un problème de piles comme d'habitude hein, parce qu'on a un matériel précaire qui en attend le bon matériel depuis longtemps. Mais voilà, on va reprendre monsieur Ibombo, c'est ça? Oui, moi c'est monsieur Ibombo. Oui. Alors de quoi vous accusez la police bizarrerie? Bon, ce que je leur reproche, c'est d'avoir mal enquêté concernant mes droits, que ça soit chez Louis Vuitton ou bien autre marque. Et quand je leur explique ce que je suis et ce que je vaux, et ils me disent que j'ai des propos délirants. Et voilà pour la raison laquelle que je me retrouve aujourd'hui à l'hôpital psychiatrique de Bondy. D'accord. Donc ils se sont trompés alors? C'est, oui. Bah, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé il y a 4 ans en arrière. Oui. J'avais subi la même chose sur Paris. Et après enquête, ils étaient venus me chercher 5 jours après et pour rétablir, pour s'excuser comme quoi qu'ils avaient fait une erreur. J'avais très bien admis, mais 4 ans plus tard, ils recommencent encore et je pense que c'est pas une vie qu'on fait en France. Si c'est pour ne pas reconnaître ses droits ou ne pas dire ce qu'on est ou ne pas dire ce qu'on vaut, je pense que quel est l'intérêt de vivre? Non, voilà. De toute façon, ils filtrent tout en ce moment parce qu'avec tout ce qui s'est passé, Il repasse tout au peigne fin. Enfin, c'est comme ça. Il repasse tout au peigne fin. Ils sont en manque d'effectifs parce que là, ils vont tous dans les manifestations et tout, quoi. Là, donc, ça soit dur pour gérer les trucs, quoi, pour eux. À chaque fois que tu dis quelque chose, tu te retrouves en psychiatrie, alors c'est pas à peine de dire. Comme quoi? Mais tout en sachant que quand je me retrouve devant un commissaire ou devant un poste de police. Bon, toute transparence totale mérite d'être faite. Donc c'est pour la raison laquelle que j'arrive toujours pas à les comprendre jusqu'à présent, quoi. Ça fait plus de 5 jours que je suis en hôpital psychiatrique, j'arrive pas à les comprendre et je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir de ce genre de situation. Vous allez pour Donc c'est pas la première fois que vous arrivez qu'ils vont voilà, mettre. C'est pas, c'est, exactement, ouais. C'est ça. C'est pas la première fois. Mais, quand, mais quel propos vous tenez? Parce que délirant, c'est un mot qui ici n'existe pas. Ben, délirant, ben, le fait de leur dire déjà que je suis égérie d'une marque comme Louis Vuitton, que je représente la marque, pour eux, c'est des propos délirants. Ils pensent que la vie, c'est un jeu. C'est vrai que nous ne sommes pas tous faits pour être dans un bureau de commissariat, mais à chacun sa vie, il faut l'accepter telle qu'elle. Vous êtes mannequin à Louis Vuitton, c'est ça? Eh ben, à la base, oui. Vous êtes mannequin et à la base, oui. Et ils me comprennent pas et je les comprends pas. C'est comme moi quand je dis que je suis photographe ou que je fais de la musique, ils ne me croient pas. Parce qu'en fait, il n'y a jamais personne qui vient me demander des autographes, quoi. Et là, il y a un psychiatre, il a dit qu'il m'a fait comprendre qu'il y avait des gens dans d'autres pays qui me connaissaient. Et ils ne croient pas, parce qu'il n'y a personne qui vient me voir. Personne vient. Ils savent où j'habite, il n'y a personne en bas de chez moi, il n'y a rien. Donc c'est faux. C'est comme si moi je dis que je suis artiste, artiste peintre, ou je fais du clown, personne ne va me croire. Parce que je vais dans un hôpital de jour. C'est comme si vous pratiquez votre travail que vous avez l'habitude de faire tous les jours. Et du jour au lendemain, on vous contrôle et vous arrivez dans un bureau de commissariat, on vous dit, bah, écoutez, vous n'avez jamais fait ça, vous n'avez jamais fait ci, et vous voyez votre vie chamboulée, quoi, en fait. En fait, il vous retourne la situation. Voilà. Ah oui, c'est comme ça. Oui, mais c'est comme ça. Bonjour, monsieur, vous pouvez rentrer à la radio, bienvenue, là. Donc, voilà, et il y a Jean-François qui voulait faire l'astrologie astrale, mais c'est pas si... Tu veux aller tout de bon, suite là? On y arrive. Ah, au thème astral, je serai aussi. On profite qu'on a notre astrologue ici, Jean-François Ossiane. Donc, vous pouvez nous appeler à la radio ou Philly, sur mon téléphone. Philly, après, si vous voulez consulter à notre astrologue. Philly, qui a quel âge? Faut que tu prennes un micro, Philly, s'il te plaît. Vous avez 27 ans, vous êtes infirmière? Je suis élève infirmière. Première année? En première année. Bon, si tu es la première année, mais ça va tout seul, les autres années. Il y en a pour un an et demi. Encore deux ans. Non, un an, c'est difficile. La première année est difficile, mais après, ça va tout seul. C'est la première année qui est difficile. Bon, vous êtes Lyon. Donc, vous êtes quelqu'un qui est finalement dans le travail assidu. Comment? Assidu, quelqu'un. Oui, bien sûr. Qui est prompté assidu. Oui. Avec caractériel. Ouais. Ils sont caractériels. créant de certaines surprises aux gens. Oui. On ne s'y attend pas. Effectivement. Annoncer ça. Je pourrais pas dire plus parce que j'ai pas tout en tête. Maintenant, vous avez pensé à n'importe quoi. Vous donnez 5 chiffres. De 1 à 22, pas les mêmes. De 1 à 22, pas les mêmes. Ok. 5 chiffres. Allez-y. 4. 8. 6. 12. Le dernier plus important. Le plus important. 15. Ah, merci. Bon. Le 15, en passant, c'est que j'ai une personne très sensuelle. Ah bon? Le 4, vous rayonnez à une personne de place assise. Ok. Une personne qui a une position assise. Vous êtes amoureuse. Vous représentez... personnellement, il y a des rapports. Ok. Là, vous ne pouvez pas mentir. Là, grâce à ces rapports, vous avez la planète. C'est-à-dire que vous avez... Ça crée des relations. Comment dire, c'est-à-dire, quand le 21, ça représente le monde. Ok. Le monde, c'est-à-dire, grâce à cette relation-là, vous avez le monde. Voilà. Micro, Jean-François. Magnifique. Voilà. 10, l'amour et cet homme, enfin, cet être qui est à vos côtés, non seulement, on fait, parce que c'est très intelligent, je sais pas. Non seulement vous êtes rapide intellectuellement, mais ça vous rapporte de l'argent en plus. Vous allez avoir à faire soit un voyage, soit un déplacement. Génial. C'est ce que j'aime. Bientôt. Avec cet homme, et c'est prévu que vous fassiez soit un déplacement, soit un voyage. Ok. Dans ce voyage, vous êtes pendu à un certain jugement. C'est-à-dire, il y a un jugement qui se crée, c'est pas la justice. Vous n'allez pas faire la justice. Oui, bah, il y a la justice, vous avez sorti le 8 en plus. Oui, bah, ça sent. À côté de la. Vous jugez les choses. Mmh. C'est ça. Vous jugez. Enfin, quand vous faites quelque chose, vous jugez ce que vous faites. Oui. Moi, bon, c'est ça, c'est marqué. Juste. Justice, par contre, vous êtes très juste, très, vous êtes une femme très droite et assez juste. Oui, bon. Effectivement. Bingo. Hein ? C'est ça. Micro, Vincent, s'il te plaît. C'est une femme assez juste et assez droite. Oui. C'est sa vie privée, non ? Je n'ai pas installé sa vie privée, c'est secret quand même. Elle a quelqu'un, c'est tout. Ça va pas beaucoup. Merci, Christiana. Ah, les amis. Ah, les non, amis. Je ne suis pas fâché avec elle, mais je ne vais pas aller plus loin. Moi, je ne veux pas s'astrologie. Prenez un micro. Tu veux que je fasse astrologie, Martin ? Après lui. Non, on y va. Non, laisse tomber. Si, tu vas y aller après. Ah, pas, tu veux nous faire un peu du rap quand même ? Non. Pourquoi non ? Tout le monde a. Personne n'a de téléphone là. Prends le micro, s'il te plaît. En tout cas, j'arrête de jouer aux échecs, j'ai décidé là. On t'a jamais vu jouer aux échecs déjà. Mais non plus ! Je suis pro, je suis un professionnel des échecs. Oui. Pourquoi tu vas arrêter là ? C'est une sagesse aussi. Parce que. Hein ? Vous avez une certaine sagesse aussi. Ah. Oui, déjà, à votre âge, vous êtes posé. Oui. Ok. Ça ne dit pas, mais je sais jouer. Quoi. 19, vous avez réellement vos yeux, ça se voit. Là, vous êtes épanoui, vous rayonnez. Ok. Super. Okay. Ouais. Vous êtes épanoui, quoi. C'est ça, là, je ne l'ai pas. Attendez. C'est bon, là, mais. Attends. Non. C'est pas facile. Hein. Ça part des. C'est des calculs. On sent très merde. Oh là là. Par contre, en vous-même, c'est vous qui vous menez le jeu. C'est-à-dire que vous ne comptez que sur vous-même. Effectivement. Voilà. Bon, c'est compris. Bah, maintenant, c'est le tout. On va voir le total. D'accord. Si c'est bon ou pas. Ok. Aussi, c'était juste. Voyance. Oui, bon. La plupart des choses. Vous avez des enfants ? Non. Non, on n'a pas, ce serait Marc. Ce serait Marc. Ah, j'aurais vu. Moi aussi, j'ai des enfants voyants. Ah oui, bah, tu l'apprends. Vous venez de vous marier ? Comment ? Vous venez de vous marier ? Oui. Oh, t'as vu ? Oh là là, c'est les intuitions ici, là, les astrologues. Hein. En tant qu'infirmière, j'ai pas le droit d'en mettre. Ah ouais. Pour l'hygiène. Non, c'est pour. Micro, Jason. C'est après avoir fini de travailler. Effectivement. Aussi, je suis. C'est quoi ? Je suis. En fait, vous dirigez, se marier. Ne comptez que sur vous. Effectivement. C'est vous qui menez le jeu dans votre. Dans votre... Et dans la vie entière. J'ai un truc que je peux dire. Vous êtes très riche. Ah bon ? C'est vrai. C'est vraiment pas. Bah, je sais pas, ça dépend de. Les gens qui sont riches, en fait, ils. Maintenant, j'aurais bien une voyance pour ce monsieur qui a été hospitalisé, qui a été pris par la police. Quel âge ? Vous appelez comment ? Actuellement, moi, c'est Fosso Gauthier. Quel âge ? Vous mettez 38 ans. ans. Quel signe astrologique? Capricorne. Oh, d'accord. Décembre. Exactement. Bon. Donnez-moi 5 chiffres de 5 à 22 par les mêmes et vous pensez à votre situation. 3. 3. 7. 7. 18. 20. 22. Bon, là, c'est un signe que vous êtes quelqu'un qui repartait toujours dans la vie. C'est-à-dire que vous partez toujours à zéro, tous les jours. Ça serait bien, vous m'écoutez? Il n'a pas d'enfant, ce monsieur. Je n'ai pas d'enfant. Je peux faire l'astrologie. Merci, maître Christiana. Bon, vous êtes un monsieur qui repartez avec votre petit balai tous les jours. Vous repartez toujours à zéro. C'est pas vrai? C'est ça? Tous les jours. Bon, vous avez une impératrice, une femme. Il n'a pas de femme. Je peux faire mon astrologiste à Christiana, s'il te plaît, merde. Bon, vous avez une compagne. Avec qui je vis, non, mais j'ai des aventures. Vous avez une aventure. J'ai des aventures. Par contre, le chariot, ça veut dire vous aurez toujours dans la vie toujours un peu d'argent. C'est normal, il est comédien. Par la grâce de Dieu, grâce à Dieu, c'est pas vraiment le plus gros de mes problèmes, n'est vraiment pas l'argent en fait. Oui. Non, mais enfin, on aurait toujours un peu dans la poche. C'est pas les seuls qui apprennent l'argent ici. Voilà, c'est ce que je veux dire, voilà, merci. Après, on va parler à Par contre, si c'est dans le passé, vous avez une personne, j'ai dû connaître. Oh, effectivement, je vous ai déjà rencontré dans le passé. Oui, je la connais. En psychiatrie. Non, elle n'est pas en psychiatrie. Justement, je l'ai rencontré en dehors de la psychiatrie. Monsieur, la première fois que je l'ai vu, c'était en psychiatrie et je l'ai revu en dehors de la psychiatrie. T'as vu, je suis au courant moi aussi. Grâce à Jean-François, on développe des dons de médium là. Par contre, je vais vous dire, en ce moment, vous trouvez à la nuit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jalousie derrière vous. Si vous êtes là, c'est qu'il y a des personnes qui vous jalousent. Donc vous êtes à la nuit, ça représente les loups à la nuit. Donc il y a beaucoup de parler sur vous. Il y a beaucoup de pourparlers sur vous. On parle derrière vous, c'est tout. Ça doit être des situations qui sont du passé qu'on remet sur le tapis. C'est tout. Par contre, vous réussirez à vous en sortir, mais grâce à cette femme. Quelle femme? Oh, la fermière. Oui, une mongole aussi. En particulier, elle n'a pas tort. Si l'infirmière n'aurait pas été là, j'avais pas le droit d'être autour de cette table. Donc déjà, elle y est pour quelque chose. Voilà. Bien vu tous les médiums ici présents. Bon, allez, on fait tout, Martin. Tu veux pas, hein? Attends. J'ai pas fini. Merci. Ça enregistre, là? Oui. Martin, en fait, t'as vécu des trucs très durs dans ton enfance. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Voilà. Oui, en fait, la place assise que vous avez... Après, t'as fait un peu de sport de combat et maintenant, tu peux battre beaucoup de gens en bagarre, quoi. J'aimerais vous dire qu'on essaie de me faire situer, mais je me défendre moi-même. Parce que vous avez des soucis. Je garde votre place sur les épaules. Votre place est tombée à zéro. Et vous repartez avec des jugements derrière. Les jugements, c'est la police. Martin. Non, pas forcément. C'est vrai, t'es pas blessé? Des jugements. Je suis pas blessé, c'est un peu trop. Les jugements, ils parlent de cheval. Enfin, on craint. Ils essayent de cerner votre place. Exactement comment vous vivez. Vous vivez, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est des gens. C'est vrai que j'aurais pu être bien plus à l'aise que l'endroit où je dors tous les jours. Mais actuellement, c'est un choix de vie et je fais avec. Par contre, vous avez beaucoup de volonté. Hein. Vous avez des tripes. Bon, ça va être terminé bien. 3. Il faut dire que Jean-François fait ses calculs mathématiques là sur une feuille, il permute tous les numéros et il arrive à voir à travers le numéro qu'il écrit des gribouillis sur sa feuille blanche, il arrive à voir l'astral. C'est bien ce que je disais, c'est qu'il y en a qui connaissent très très bien leur boulot, qui connaissent très très bien ce qu'ils font. Et par exemple, sa feuille, on peut la faire tourner autour de la table, il n'y a personne qui la comprendra à part lui. Bon, tout ce que je vous demande, c'est de mettre de l'eau dans votre vin, maintenant. Il n'y a pas de souci. Ok, main, là où vous êtes, mettez, surtout ne bougez pas. Restez calme. Non, ne mettez pas en colère d'un coup parce que ça va péter là. Je les connais. C'est marqué. Hein. De l'eau dans votre vin. Si vous êtes caractère, ne criez pas. Cool. Restez cool. De l'eau dans votre vin. Et tout tournera bien. Je pense que là, vous êtes dans une position où vous n'avez pas le choix. J'essaie de. Bon, j'essaie de. D'éviter les conflits à un max. Oui, parce qu'ils vont chercher. Il y en a qui vont chercher des poux dans la tête. Ici, ils ont le don. Hein. Je passe mon temps à parler avec les médecins, les infirmiers et les infirmières, car je trouve que le seul lien qui nous rapproche actuellement dans cet hôpital, c'est ça, il n'y a pas autre chose. Oui, ben voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous conseille, là, dans la position, vous mettez de l'eau dans votre vin, restez. Calme, entre vous, calme, voilà, c'est tout. Votre position est là, pendant un mois et demi, bougez pas. Je vais vous sortirez, voilà. Merci, au revoir. Moi, je dis que vous allez bientôt sortir de l'hôpital, vous inquiétez pas. J'ai une entière confiance à certaines personnes que je ne vois pas, c'est-à-dire des collaborateurs. J'ai une entière confiance en eux et je me dis chaque jour, comme il a dit le médium, chaque jour ça repart à zéro. Donc chaque jour je me dis, y a bien des collaborateurs ou bien des amis ou des personnes proches qui vont faire en sorte à ce que on puisse éclaircir mon problème. Pour que je puisse sortir d'ici le plus rapidement possible. C'est quoi votre problème ? Bah, mon problème, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un manque de reconnaissance à mon égard. Ouais. Donc il faut que vous devenez célèbre. Là, mais Vincent, si tu peux l'aider à devenir célèbre, c'est quoi tes conseils ? Attends, prends le micro là. Bah déjà, ce monsieur, c'est un monsieur qui n'a jamais de problème avec la justice. Hein. Vraiment, quoi. T'as jamais dit ça. Il a toujours su faire valoir ses droits et il a déjà de l'argent. Donc en fait, s'il veut vraiment sortir dans sa peau, il faut qu'il fasse comme moi, comme j'ai en train d'arrêter de fumer la clope, il faut qu'il arrête de vouloir des grandes choses. Et ça va lui faire du bien psychiquement. Parce qu'en fait, moi, c'est pour ça que je vais mieux, parce qu'en fait, c'est quand on veut des grandes choses qu'on n'est pas bien, en fait. Et c'est ça, c'est la vérité. Hein. Et en fait, ici, c'est pas comme en Inde. Ici, en fait, c'est l'idéal de soi, la femme parfaite, le prince charmant. Ah non, ça, c'est naze, quoi. Ça n'existe pas, le prince charmant. C'est naze, hein. Je vais intervenir. Oui ou non, dans le dialogue, on est tous au micro ouvert, oui. Pour la raison laquelle, parce qu'il dit des ambitions ou vouloir des grandes choses. J'ai toqué à la porte de personne et tout vient à moi. Donc c'est la complexité de l'histoire en fait. C'est les grandes choses qui viennent à moi. C'est pas moi qui vais chercher les grandes choses. Donc, on a un appel. On a un appel de notre. Oui. On va appeler notre astrologue qui est parti fumer un clope. Nicolas, oui, mais vous les avez voulu les grandes choses à un moment de votre vie. On est d'accord ou pas ? Je les ai voulu. Et après, ça arrive à vous, en fait. Et ça finit par arriver à moi. Et j'en suis très ravi. Hein. Et ben, ça veut dire que vous avez plus besoin de personne, en fait, maintenant. C'est ça que ça veut dire. Ah ben. C'est ça que ça veut dire. En fait, vous avez plus qu'à attendre. L'union fait la force, donc je peux pas me dire que j'ai besoin de personne. Sans vous, sans tout le monde qui est autour de la table, je pense qu'on serait pas là. Donc dire que j'ai besoin de personne, c'est quand même un manque de responsabilité à mon égard. Ça va vous faire du bien de pas vouloir des grandes choses. Moi, c'est pour ça. Il y a même pas un mois, je fumais un paquet et demi de clopes. Là, j'en ai fumé trois aujourd'hui. Je pense même plus à ça même maintenant. Ben franchement, félicitations à vous, monsieur. Ouais. C'est ça maintenant. Mais moi, je pense, avant de venir ici, vous habitez dans une maison pas très polluée. Bah, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que je peux vivre dans des endroits plus aisés dans lesquels je vis actuellement, mais c'est par principe, par honneur et par fierté que j'ai envie de faire découvrir de là où je suis parti en fait. Vous êtes parti de loin, c'est ça ? Exactement. La faute. Bah maintenant, il y a de la jalousie autour de vous, il faut faire attention maintenant. Là, maintenant, il faut faire attention. On essaie de faire la part des choses. Vous êtes parti d'un pays d'Afrique. Pays d'Afrique. J'ai pas compris. Vous êtes parti d'un pays d'Afrique. Moi, je suis originaire du Burkina Faso, du Congo et de la Guinée. Plusieurs pays, c'est un mélange. Et aujourd'hui, nous retrouvons autour de cette table-là et j'en suis très fier. Moi, il faut que je raconte mon histoire. J'ai des problèmes parce que moi, j'étais à Conakry en 2006. Moi, je suis parti là-bas tout seul. Hein. Et en fait, après, tout le monde, parce qu'en fait, là-bas, c'est pas comme ici, en fait. Là-bas, les gens, ils se parlent, tout le monde parle avec tout le monde. Il y a pas des SDF, c'est tout le monde mange. C'est vraiment bien, quoi. Mais après, les gens, ils viennent vous voir et vous savez pas comment faire. Vous êtes obligé de parler avec eux, quoi. C'est comme si quelqu'un qui vient, il y a des gens, en fait, ils sont là, ils parlent pas. On vient leur parler, mais ils parlent pas, ils vous parlent pas, quoi. Et en fait, c'est mal poli, quoi. Ça se fait pas, quoi. Et alors, je parle aux gens et après, j'ai pris des contacts, en fait. Et après, t'as des relations, mais le fait d'avoir des relations, c'est des problèmes, en fait, quoi. Bah voilà. C'est ça qui vous arrive, monsieur. C'est que vous avez des relations. Après, ils vous disent, un jour, il y a un gars qui vient et dit, ah, mais je connais lui, c'est un ami à moi. Et en fait, le gars, vous savez pas c'est qui. Un autre qui vient, il voit que vous avez une belle paire de lunettes, il va dire, ah, mais c'est lui, je le connais. Et après, ça va vous attirer des problèmes comme ça va vous sortir de problèmes. C'est ça, c'est bon. Après, il faut. Après, il y a un gars qui va appeler, il va dire, ouais, je le connais, et après, ça va vous servir, quoi. Il faut trouver le juste milieu et faire la part des choses. Et surtout, une chose, une bonne chose qu'il faut garder en tête, c'est rester serein. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que peut-être il y a quelqu'un, t'es jaloux de vous, mais vous ne savez pas qui c'est. Peut-être un ami à vous, ou peut-être une connaissance à vous. Bon, c'est vrai que avec ce que je vis, ça peut attirer la convoitise. Mais comme je vous ai dit, j'arrive à faire la part des choses et garder la tête sur les épaules pour pouvoir faire. Pour pouvoir me séparer du mal, en fait. Ce qu'il y a de mal autour de moi, je fais en sorte à ce que je m'en écarte, en fait. Eh ben, c'est bien. Automatiquement. Alors. C'est bien. Quand le mieux, en fait, c'est de faire tout dans vos projets de trucs que légal. Vous allez à la chambre des commerces, vous immatriculez, vous demandez l'argent en chèque, et après, que de légal, quoi. Et là, ça va vous aider, quoi. Vous payez vos impôts, vraiment, vous faites la déclaration, vous payez tous vos impôts, et ça va vous servir, ça va vous aider. On commence tout filtré, on n'a pas faire des choses et faire des choses légales, pas faire des choses illégales. Ah, mais ça, c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer ou comment vous dire ça. Le matin, quand on se lève, ben, la première des choses, c'est de faire valoir ses droits. Et de faire valoir ses droits, ça passe par des choses légales. Si c'est illégal, on ne peut pas faire valoir des droits. Est-ce que vous avez la carte française ? J'ai même la dernière carte d'identité française. Elle ressemble à un permis de conduire. Moi aussi, je l'ai, la carte d'identité française. Hein. Ça fait combien de temps que vous avez eu cette carte ? Ouais, elle m'a été délivrée au mois de novembre dernier. Bah, c'est bien ça. Maintenant, ils peuvent te l'enlever aussi. Hein. Tu as vu, les gens t'enlèvent la nationalité. Bon, mais là, il y a un autre. Oui, merci de cette observation. Merci Vincent de ton accueil. Et là, il y a un autre astrologue qui revient. Et donc, il y a Nicolas de la radio, de Pinot, qui va rentrer en contact avec toi. Et il va appeler. Tu peux... Attends, je vais l'appeler. Je peux l'entendre. Oui, on va l'entendre sûrement ici au télé. Ça va passer à la radio. Attends, après, on va appeler d'abord notre client, mon astrologue astral. Attends, il appelle là. Attends, Nico, je réponds. J'essaie de répondre à ce téléphone qui est un peu nul. Allô, Nico, tu m'entends ? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Attends, écoute, on écoute. Ils sont tous là, Vincent. Et après, t'angoissé après. Attends. Est-ce qu'on écoute Nico, tu peux parler comme ça, on va voir si on t'écoute bien. Je vous entends très mal. Hein. Bonjour, monsieur. Tu entends là ? Bonjour. Tu entends un peu ou pas, Nico ? Bonjour, monsieur. Non, on t'entend bien. Hein. Si tu parles, on t'entend bien. Ah, t'es indien ? Ouais, moi je vous entends pas très mal, mais bon, voilà. Bonjour, je vous appelle, monsieur. Ouais. Pareil que je peux avoir quelques informations quant à mon avenir. Oui. Je ne prédis pas l'avenir, forcément, parce que je crois pas. Je peux vous dire quelques traits de ce que vous faites, c'est tout, actuellement. Il y a un bruit électrique, je comprends rien du tout. Allô ? Il n'entend pas. Tu entends pas ? Peut-être il faudrait que tu connectes la radio, plutôt parce que je suis connecté, je ne sais pas si ça marche. Attends, je vais essayer de connecter, changer des câbles. Nous, tu entends très bien, par contre. Et... Ou alors, peut-être posez-moi, si ça ne marche pas, posez-moi la question via le chat IRC, je peux lire la question. Et... Ah, oui, ok. Non, oui, au fait, mais c'est dit que c'est toi... Ah, là, Il dit Jean-François. Comment vous appelez, monsieur? Tu entends ça? Attends, je te passe mon micro. Comment vous appelez, monsieur? Nicolas. Nicolas, bon. Vous êtes de quel signe astrologique? Alors, je suis Gémeaux. Bon, bon rapport sociaux. Hein. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous avez des bons rapports sociaux avec les gens. Et s'il te plaît. Pardon, vous pouvez répéter, s'il te plaît, je pose des questions. Allô? Allô? Il n'entend pas. Nicolas, est-ce que tu nous entends? Il y a le pari qui a un. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Vous avez des rapports sociaux bien avec les gens. De toute façon, le Gémeaux, la plupart du temps, est très, très sociable. Vous êtes sociable dans la vie. Il n'entend pas. Il n'entend pas. Ouais, bof. Vous parlez des gens, vous avez des contacts, vous êtes sociable, vous parlez à des gens. Allô? Mais il n'entend pas encore, là. Venir. Oui, mais c'est pas évident, hein. Et, bah, rien n'est évident, monsieur. Mais les gens que vous contactez, vous avez des bons rapports quand même. Ceux que vous contactez, vous avez des bons rapports quand même. Allô? Il répond. On va dire 50%. Donnez-moi 5, dans votre situation, donnez-moi 5 chiffres de 1 à 22, pas les mêmes. 5 chiffres de 1 à 22, pas les mêmes. Alors le 7, le 10, le 3, le 21. Hey, s'il te plaît. Et le 11. Bon, déjà d'une, vous êtes quelqu'un de très volontaire. Vous avez beaucoup de volonté. Le 7, vous êtes sérieux, c'est que vous aurez toujours un peu d'argent. Par contre, vous brassez du monde, monsieur. Vous avez la réussite dans la vie. Et en plus, grâce à ce monde-là, vous êtes rapide dans la tête, vous êtes assez rapide dans la tête, et c'est ce qui vous donne de l'argent. Par contre, il y a une impératrice à côté de vous, une femme. Une mère, votre mère, non? Allô? Non. Non, vous avez une copine ou une amie? Bah oui, pas ma mère, quoi. Par contre, vos rapports avec votre mère, vous les rompez. Ils sont rompus. Non, j'ai pas rompu les rapports. Mon père, bah, non. Comment il y a une carte? Il y a un délai des réponses. Il faut que tu attendes un peu. Il écoute, mais ça prend du temps. Ça voyage, tu sais, à la radio, ça prend du temps. Vas-y. Vos rapports avec votre mère, c'est pas. Enfin, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas de dialogue avec votre mère. Elle est âgée. Ah, si, énormément, si. Si, vous avez un rapport. Énormément de dialogue, si, bien sûr. Elle est en bonne santé ou pas? Ça va, elle est plutôt en bonne santé, oui, à un certain âge, mais ça va. Enfin, avec cette femme, ça vous rapporte de l'argent. Enfin, il y a la roue de la fortune. Hein. Par contre, on vous demande de la tempérance avec, mettre de l'eau dans votre vin. Je me réjouis alors. Hein, comment? Je me réjouis, s'il y a plein d'argent qui va arriver, si on ne va pas s'en plaindre, hein, je redistribuerai. Moi, je peux pour vous, monsieur, je souhaite que ça pour vous. Oui, ben merci. Attendez, c'est pas fini, monsieur. Je calcule tout. Il y a des calculs à faire. Laissez-moi réfléchir et comprendre. Jean-François, il a une feuille blanche devant lui. C'est dommage, une petite musique comme ça pendant que vous calculez ça. C'était pas mal. Hein. Tu les calcules, oui, il faut faire de la musique. Tu peux chanter un peu, Christina? Quoi? Oh. Oui, vas-y, continue. Bon, vous avez devant ce monde que vous avez réussi, vous restez assez sage. Hein. Il faut bouger dans la vie. Vous avez une certaine sagesse devant ces gens. Vous êtes un monsieur assez sage. Par rapport au monde que je vois autour de moi, c'est ça ? Oui, parce que vous avez une réussite dans la vie, c'est vrai. Vous avez brassé du monde, vous tombez dans le domaine de la communication, monsieur. Il faut aller dans les clubs libertins. C'est-à-dire, non, vous... Bon, d'accord. Non, elle plaisantait la dame. Bah, vous viendrez avec moi. Hein. Bon, monsieur, je parle sérieusement pour vous. Je déconne pas. Vous avez une certaine... vous êtes voué à des liens, enfin, comment dire, à la réussite, c'est-à-dire à la communication avec des gens. Ah ben merci. Mais vous avez une certaine sagesse devant ces gens, donc vous avez la volonté, beaucoup de volonté. Maintenant, je vais vous faire tout le calcul de ce que je vous ai dit. Ça, c'est... Attends, je vais faire le chien. Mets de la musique. Bon, monsieur, ça y est, j'y suis. Bon, bah, monsieur, allô? Oh, oh. Bon, vous êtes là, monsieur? Je suis là. Bon, monsieur, vous n'auriez pas dans la vie problème d'argent. Pendant les 6 mois à venir. Ok. Ok, oh, oh. Oh ben, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Non, je dis, vous n'aurez pas problème d'argent parce que c'est la roue de la fortune qui va tourner avec tout ça. Ok? C'est-à-dire, tout ce que vous toucherez, ça vous rapportera de l'argent. C'est à vous de communiquer les choses. C'est marrant, je pensais vraiment que ça allait être l'inverse, t'as vu ma situation, mais bon. Comment ? Il pensait vraiment que ça allait être l'inverse, vu ma situation. Bah, même là, si elle est mauvaise, elle va changer. Elle va changer d'aller dans le club libertin, ça va beaucoup changer. Votre situation est comment en ce moment ? Super mauvaise, mais elle est plutôt en position de pouvoir se dégrader au niveau financier, hein, j'entends bien. Ça va changer, monsieur. C'est par rapport à cette femme que vous allez connaître ou la femme qui est auprès de vous. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, monsieur. J'espère que... Voilà, merci, au revoir, monsieur. En termes d'héritage, il n'y aurait pas grand-chose. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça n'a rien à voir avec ces dames. Hein. Comment ? Vous avez parlé d'une dame à côté de moi, etc., qui apparemment serait ma... Comment ? Ma belle et ma bonne étoile. Bon, votre bonne étoile, c'est quoi ? Vous avez une femme ? Vous avez une copine ? Vous voulez savoir quelque chose sur quelqu'un ? Comment elle s'appelle ? Ni quand ? Signe comment ? Oui, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut. Bon, vous avez tout ce qu'il faut. Bon, vous voulez savoir quelque chose sur cette femme ? Oui, par contre, je ne veux pas vous donner les détails. Hein. Non, j'ai pas... Non ! Jean-François, je ne sais pas les détails. Je vous dis, est-ce que dans votre relation avec cette dame, enfin, le lien que vous avez avec cette femme, vous voulez savoir quelque chose ? Allô ? Je veux savoir quelque chose. Attends, il faut écouter un peu. Ça prend du temps. Il faut être patient là. Laissez Jean-François finir avec la personne et après on réagit. Vas-y, ouais, mais c'est surtout que je ferais bien avec le téléphone, mais c'est impossible, je ne vous entends pas dans le téléphone. Allô ? Vous m'entendez là ? Allô ? Bah, je vous entends de loin, quoi. Et là, vous m'entendez bien ? Bon, monsieur, est-ce qu'il y a une astrologie, votre ami ? Je suis en train de réfléchir. Taureau. Ah, punaise. Ça c'est meneur. Hein. Elle est meneuse. C'est une femme de tête. Ah oui, elle te domine. Hein. Il y a de ça. Moi, je peux pas. J'arrête. Et c'est dur là. Attends, Christenel. C'est très dur. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pas facile. On va écouter. Attends. Moi, je dois. Laissez Jean-François se concentrer parce que c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Tu sais, quand tu fais de la musique, Jean-François, t'es une personne devant toi, il n'y a personne autour de toi. Ok. Est-ce que tu as une dernière chose à lui dire à Nicolas parce qu'il est là? Il peut donner 5 chiffres à 22 dans la situation où elle, la dame où elle est. Si elle conna, il ne connaît pas la situation de, cette, de la femme qui, avec qui elle est, il me donne 5 chiffres de 22, de 1 à 22 en pensant à cette femme et je dirais ce qui l'entoure et ce qu'elle fait. Ok, ben alors... Donnez-moi 5 3, chiffres et 7, pensez à elle. 18, 22. 18, 22 et encore... encore 3 chiffres. Allô. J'ai dit, hein, 3, 7, 11, 18, 22. 3, 7, 3, 7, 11, 18, 22. Mais c'est les mêmes que les autres, là. Il dit que c'est les mêmes que les autres. Il est contrarié, l'astrologue, là. Il dit que c'est la même chose. C'est les mêmes que les autres. Non, pas tout à fait. Il y a le 18 qui change, c'est tout. Mais je peux vous dire, le 18 est mauvais. Parce que... Les... Là, c'est mauvais le 18. Vous la mettez à la nuit, cette femme. Elle n'est pas près de vous. C'est la lune. C'est quoi, le trompe ? Allô ? Oui. Ouais, je ne sais pas, je ne vous entends pas, hein, donc j'essaie de faire au mieux. Hein. Allô, monsieur ? Vous entendez, là ? Là, j'entends plus non plus la radio, donc ouais. Vraiment, j'ai pouvais m'entendre, vous entendre à la radio, mais là, ouais, je vous entends. On entend, oui, c'est pas grave, on est. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter ou c'est parce qu'on est. Bon, merci beaucoup. Il faut que j'y aille. Bon courage. Merci beaucoup, Nicolas. Positif, merci monsieur, en tout cas, quand même, ça m'a fait du bien. Merci, monsieur. Au revoir. Ça va, j'ai penché de l'argent. Soyez positif, parce que vous n'aurez pas de problème d'argent dans les 6 mois. Vous merci. Aurez un succès communicationnel. Merci, Nicolas, et merci, l'astrologue Jean-François. Et voilà, merci. Vous pouvez. On va. Merci de cet appel. Et notre astrologue est un peu nervé parce qu'il n'a pas pu communiquer comme il voulait. Ça passait pas énormément à la radio. Les gens l'appellent partout. Et il a son téléphone qui rate pas de sonner. Mais c'est pas grave. On va continuer. Merci Nicolas de nous appeler. Et puis vous pouvez continuer à nous appeler, hein, quoique notre système n'est pas le plus performant de la Terre. Mais on est encore là sur Radio Métanoïa. On est sur Pinote. Et Christenal veut nous dire quelque chose. Je blaguais, Jean-François, je blague. Merci beaucoup, Jean-François Sian. Merci de ton astrologie. Merci d'être venu. Hein. Salut, hein. Ça va être mieux au mieux. Manon, venez alors. Alors. Tu fais de la musique ? Oui. Christenal, qu'est-ce que te fait rire là de tout ça ? Vas-y, raconte-nous ta vie. Non, je rigolais, je faisais des blagues. Oui. J'essaie d'apprendre à faire des blagues. Oui, oui, c'est très bien. C'était quoi la blague ? Qu'est-ce que tu faisais rire ? Non, quand elle a dit le 18, c'est mauvais. Après, j'ai dit, merde, elle l'a trompé. Et quand elle a dit le 18, c'est mauvais. Oui, non, parce que le 18, c'est dans les tarots, c'est la lune, mais c'est pas forcément mauvais. Hein. C'est, chacun sa interprétation, mais c'est, chacun peut se faire sa lecture. Mais c'est bien, parce que c'est la première fois qu'il reprend depuis très, très, très longtemps. Donc, on va mettre une petite chanson et après, on va réunir parce qu'on n'est pas loin de la fin. Sur Pinot, là j'ai plus l'accès au chat non plus. Merci en tout cas de nous appeler. On va revenir. Is there anyone home? Come on, come down. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain. Get you on your feet again. Relax. I'm Jason. Critique-moi, tu verras. Tu veux du mal, tu le paieras. Je pète un plan, je suis un serrage. Je tue tout le monde, je crois que c'est l'âge. Je mets un mode avion, mon téléphone. Je sors même plus une voix, plus mes fans. Toi-même, tu sais mon place, ils donnent. Je suis comme une rose, plutôt de passer un jour, je fan. Je me rappelle, on était tartin. On fumait sur le pétard. On était contre, on faisait des calls. Un peu plus tard, on se sépare. J'ai tourné avec ma moto, visière fumée pour éviter les photos. Qu'est-ce qui t'arrive, on s'aimait mon poteau. Maintenant tu me suis sur ma couleur de peau. 360 chevaux sous le capot. Dans ma ville les petits années sous les capots. Je suis dans ma piscine, je m'envoie des saltos. Je travaille les pecs, j'ai plus trop les abdos. Je me promène, malgré les problèmes. Je te traîne, l'ordre tu m'aimes. Je me promène, malgré les problèmes. L'oiseau de haine. Des tests du gouvernement et ces méfaits 16 orchestrés notre déclin. Scoop est lointain, le mal ne cesse de triompher. Les idées reçues blessent les gars de ma test. L'Occident sera en train de s'aider, avoir le tiers monde dans cet état. La monnaie dévalorisée comme un homme qui perd son bras. À coup de couteau à l'arrière par un soldat. À bout de bras, tiens dans cette cité. Sans flouze, comment comprendre ça quand t'as toujours tout eu? Les incompréhensions culturelles nous ont eu. Y'en a qui ont tout et y'en a qui ont rien. Et y'en a qui perdent tout pour rien. La chute est plus grande encore. Les riches font en 4-4, putain, quelle chaîne de vie hardcore. Comme puis c'est ce caniveau. En 2-4-6, on dit qu'on pourrait les rejoindre. Bien. Il dit Jules. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être passé sur la station de radio. Et force à vous, courage. Et restons unis pour un futur meilleur. Rétablissons la France tous ensemble. Bonne soirée tout le monde, c'est Fausto Gauthier. Ouais, super, merci de ce message. Super, merci Jason de la musique. Merci les raps Vincent, merci tout le monde. On a encore 3 minutes. Vincent, tu veux pas encore nous faire un rap comme ça à sec? Prends ce micro qui est à côté là, l'arrière. Tiens. Ou prends n'importe lequel, voilà. Vas-y, on t'écoute. Tu as 3 minutes, à toi, exprime-toi. Putain, Ouais, attends. Je connais pas par cœur, mais t'es qui sont sur internet, mais je connais pas. C'est pas grave, vas-y. Attends. L'impro, vas-y. Oh non, l'impro, j'aime pas l'impro. Les gars détestent le gouvernement. Et ces méfaits cessent d'orchestrer notre déclin. Jusqu'au pays lointain, le mal ne cesse de triompher. Les idées reçues blessent les héros de ma ville. L'eau, la terre, les mers, les villes entières. Ils détruisent tout sur leur passage. Jusqu'en Amazonie, les peuples absous, c'est l'agonie. Les enfants meurent en bas âge. Ça gêne certains pendant qu'ils... Pendant que d'autres s'en battent les reins, ça change rien à leur train-train quotidien. Leur indifférence agace, mais que veux-tu y faire? Sinon réussir à quitter le terre-terre pour Ivoli. Arriver là, je kifferai ma vie. Ce sera l'extase, la potée aux enfants, je crois. En tout cas, ce sera autre chose. Mais faut quitter 9-3 car ici c'est pas Watts, mais ça craint. Les petits embrouillent avec écran, les grands deals, ils partent en tôle. Ça rapporte pas, ils ont pas de société écran aux îles Caïmans. Ceux-là partent longtemps. Et l'élite paie la juge pour que la justice soit clémente à son égard. Vu de l'extérieur, ça rend perplexe, ça choque, ça égare. Et personne comme ça, deux en tôle comme ça, à perdre son temps à marcher dans un couloir à Yep. Pendant que les riches sont en 4-4, en 2-4-6, on se dit parfois qu'on pourrait les rejoindre et construire ensemble un monde meilleur. Comme les politiciens pourraient être élus. D'ailleurs, plus personne n'y croit depuis des lustres. Les événements l'illustrent. Pendant que beaucoup passent à côté de la vie, sans autre alternative, c'est fait exprès. Ils tombent dans le grenage du filet, comme ces gosses qui marchent sur une bombe. Les radars sont, les armées se déploient, les soldats tombent dans une embuscade. Les choses sont trop complexes pour qu'on puisse qu'on s'alarme. J'ai juste le drapeau blanc, mais le combat continue sans répit. Et les flics tirent sur les cibles humaines. On nous malmène et beaucoup ratent. C'est le désespoir qui entraîne le chèque de ces hommes. Mais la foi qui a décidé de garder l'espoir et c'est fort, mais il y a rien qui avance pour l'instant. Alors je me lève la nuit et je prie et je me demande pourquoi Adam et Ève ont mangé ce putain de fruit. Vous applaudissez, c'est pas terrible. C'est excellent. C'est excellent, qu'est-ce que tu dis? C'est vous. Un truc de voyant encore. On a une minute, vas-y. Une minute. Bon, on est sur Pinot. Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine. Alors, est-ce que c'est vrai que vous pensez que Fanny J, elle parle de moi dans sa chanson? Est-ce que c'est vrai? Qui? Fanny J, vous pensez qu'elle parle de moi, dans sa chanson ou pas? Bah, elle parle de plein de mecs dans sa chanson. Mais elle parle de moi aussi? Bah, de tous les mecs du monde entier qu'elle parle. Mais de moi aussi? Oui. Voilà. Je savais. Merci. C'est très dangereux. Merci les amis. C'est dangereux parce que quand une star internationale elle parle de foot dans ses chansons, elle va faire son concert là, c'est très dangereux ma vie. Hein. Oh là là. Et les gens, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi par rapport à la richesse. Les gens, ils croient que la richesse c'est bien, c'est naze en fait. Parce que quand on est riche, on a des problèmes de riche et c'est naze. C'est la vérité. Voilà. Au mieux gagner 2000 euros par mois et là vous êtes heureux après. Bon, la semaine prochaine, tu vas nous raconter comment être heureux sans l'argent, comme tu l'avais dit. Bah. Merci les amis Pinot, on se voit la semaine prochaine. On est sur Radio Metanoia. Merci tout le monde. Au revoir. Bravo, merci beaucoup les amis. Hein. Merci à vous. Bravo. Merci monsieur. Merci. Ça, c'est mon câble, non? Ça, c'est le câble. Merci ce que vous avez dit, c'est très, très touchant. Bon courage avec tous les...